incroyable. Je loupe pas le coche. Ah, quelle audace. Ils veulent me stopper. Ah, quelle audace. NASA on copie. Oh, oh, oh. Moi je vérifie. Oh, oh, oh. Je n'ai pas les mots. Moi je vérifie, papa. Moi je vérifie, maman. Moi je vérifie.